C'est ça la veille qu'on est chaud. Ne va pas terre agoniser. Toujours solide, même au trou. Mentalité de gladiateur au Colisée. Je serai quand je fais mon boulot. Je fais des millions, des embellis. Revêche une numéro uno. Je reviens de l'enfer, je me sens béni. Full VVS, full VVS. Les DPS, c'est ce qui pèse. Elles aiment les luxe, la vitesse. Du chargeur à la chambre, à ta tête. Moins d'une seconde et ton corps sera raide. Je t'avais dit, ça fait du bien de dormir sur un milli. C'est le plus gros de défaut. La fétie, si on sort jamais. Comédie, je pars d'Alger, un vol privé. Au Congo, je paye les diamants, je repars à midi. Je mettrai jamais les sous dans une lambeau. Mais je vais me faire une belle villa dans ma ville. Et oh, boy, on a connu la misère. Si tu me voyais dans le 17, c'est pour voler au bol au Saint-Vicaire. Si tu ramenais le bon filon, jamais on a dit non. C'est où je nous vois dans 10 ans. Une villa, une voiture ravissante. C'est réel, et oh. Du mal avancé, je porte pas de mes péchés sur le dos. J'ai fait mes classes dehors, j'en ressors des couteaux dans le dos. J'ai mes péchés, beaucoup de couteaux, les fleurs sur le dos. Aussi de milliers d'euros. J'ai un frère, j'ai mon frère et plusieurs bigots sur moi. Boy, on a squatté le ciment, on s'est toujours promis qu'on toucherait le sommet. Le syndrome de la perquise m'a fait perdre le sommeil. Me plains dans un calibre, je te fais courir John Cena. J'ai la cagoule, tu vois bien que c'est moi. Tu crois que tu l'as fait, jure, mais la petite 6000. Tu m'as vu dans ta zone sans savoir que c'est ton voisin que j'invisère. On a des calibres, on s'est visé. Je suis noir comme ma carte bleue Visa. Tu dois des sous, juste un coup de fil, la mort te rend visite. On a des calibres, on s'est visé. Des shooters 10 sur 10, la vision. Eh hey oh, boy, on a connu la misère. Si tu me voyais dans le 17, c'est pas voler au bol au Saint-Vicaire. Si tu ramenais le bon filon, jamais on l'a dit non. C'est où je le vois dans 10 ans. Une villa, une voiture ravissante. C'est réel, eh hey oh. Du mal avancé, je porte pas de mes péchés sur le dos. J'ai fait mes classes dehors, j'en ressors des couteaux dans le dos. J'ai mes péchés, beaucoup.